L'exposition de Beaux-Arts sans Hua, consacrée à la journée du soleil, est ouverte le 13 à la Maison de la Culture Internationale de Pyongyang. Dans la salle d'exposition, il y a plus de 60 tableaux de peinture coréenne, de peinture à l'huile, de peinture à l'aquarelle et autres dessins présentés par les peintres âgés à l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung.